Vous écoutez ? La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, heureux de vous retrouver ce soir. La Croche-Oreille, c'est une émission qui vous propose chaque dimanche une aventure sonore constituée de musique nouvelle, de sonorités inclassables, imaginées par des artistes qui nous transportent ailleurs, littéralement, et qui vous donne le goût de coller vos oreilles sur les haut-parleurs de votre poste, rien de moins. Somme toute, La Croche-Oreille, une émission dont le but est d'alimenter l'imaginaire sonore, nos imaginaires sonores. Vous écoutez ça sur les ondes de CKRL de 89.1 à Québec, la radio, évidemment, qui aime le son. Et sur la toile, à ckrl.qc.ca, pour ceux qui sont hors d'onde, à l'extérieur, un peu loin. Alors voilà, pour débuter ce soir, je vous propose l'écoute de nouveautés créées par des artistes que je compte vous présenter en entrevue au cours des prochaines semaines, histoire de vous donner le goût d'être au rendez-vous chaque dimanche avec moi pour une aventure sonore plutôt unique sur les ondes. Et je débute la soirée avec une création de l'artiste Christian Bouchard, intitulée « Un portrait de Montréal ». C'est tiré de son album intitulé « 4 », dont la graphie, c'est des chiffres romains. C'est lancé récemment sur étiquette empreinte digitale. Compositeur, preneur de son de profession, Bouchard a l'idée de simplement sortir pour faire une prise de son environnementale en multipliant les sources de son capté. Alors, on est à ce moment-là en 2013-2014, ça fait une dizaine d'années, et il va faire plus de 6 heures d'enregistrement sur un enregistreur 8 pistes à partir de son automobile, un microphone à l'extérieur sur le toit, un microphone dans l'habitacle. Il enregistre des fréquences radio de police et de pompiers diffusés sur Internet et d'autres pistes de radio météo captées soit sur les ondes courtes, soit sur des stations de radio FM. Un périple qui commence dans le Vieux-Port en passant par le centre-ville, puis le plateau Mont-Royal pour terminer tout ça au Belvédère Camillien-Houde du Mont-Royal. Bon, vous avez compris, on est à Montréal. Quelle aventure tout de même! Alors, c'est une création dédiée au compositeur Yves Daou, son mentor et professeur, dit-il, et qu'on accueillera au cours de la saison. Alors voilà, on écoute ce très beau portrait de Montréal, une création de l'artiste sonore, compositeur Christian Bouchard. 21-32. Ouais, joint au coin de Ontario-Saguenay, j'interceptais deux véhicules tout à l'heure. 21. Ici là, si vous voulez, parce qu'il y a d'un côté l'Occident qui décline, et le Québec qui passe son temps à escamoter les questions nationales. Et le Québec qui... indépendantiste. Essentially, what? In the Midwest of the United States. Had one of our lawyers made a motion. Essentially organized a demonstration in the Midwest of the United States in St. Louis. This case is ongoing. Yes, the as recently as November 1st. Temperature. Écoute 39-23. Temperature. Saturday. Cloudy with 60% chance of flurries. Low minus 10, high minus 5. C'est une dame qui est prise dans les escaliers au 28e étage. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle a un malaise? Est-ce que... Je vais essayer de la rejoindre à nouveau. La ligne coupe sans arrêt. The changing dynamics between men and women, or did she just simply reflect that change? Allez-vous intérêt pour le feu le 207 de la fontaine pour l'enquêteur? That change. Jusqu'à. Change. Jusqu'à. The changing dynamics between men and women. Did you say? Il y a un 2, j'essaie de rappeler la dame, mais je tombe sur le boîte vocale. C'est capté. C'est tes amis, on a... 2, Charlie, 2, 359. Maire ou mairesse des banlieues entourant Montréal n'a dit cela. Pourquoi est-ce que le maire de Montréal serait tenu de le dire, lui? Vous écoutez 91,3, 100,3, 89,3, 104,1, 89,9, AS50. Vous écoutez AM FM Montréal. Air quality. Fair. Good. Air quality. We're doing okay. Pour dimanche, maximum. Est-ce qu'ils ont volé ou... De neige. Moins 4. Maximum. Pour Simon. Moins. C'était un très beau portrait de Montréal réalisé par l'artiste sonore et compositeur Christian Bouchard. Ça casse la glace, la table est mise pour la prochaine saison de La Croche-Oreille, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, l'artiste et performeuse Léa Boudreau fait partie des artistes que j'accueillerai au cours de la prochaine saison autour d'un tout nouvel album intitulé « Limaçon ». Ça a été lancé en juillet dernier. Léa est une artiste sonore, conceptrice de circuits électroniques et d'environnements immersifs. Elle est en résidence à Autosonics en Autriche actuellement pour la création d'une installation sonore interactive. Alors, je lui ai parlé il y a peu et puis on va la retrouver dans les prochaines semaines. Alors, ce soir, je vous présente une pièce intitulée « Quatre machines pour sauver le monde ». C'est une autre aventure sonore qui résulte finalement de remue-ménage réalisé avec des élèves de l'école Jean-Baptiste Meilleur à Montréal. C'est ça qui a inspiré Léa Boudreau à imaginer des machines fantastiques sous le thème « Quatre machines pour sauver le monde ». C'est donc à partir de leurs suggestions que j'ai composé cette pièce divisée en quatre sections dictées par les élèves, raconte Léa Boudreau. Une machine volante qui fonctionne à la pollution pour s'en débarrasser, une machine robot en forme d'animal pour sauver les animaux, une machine pour retourner la neige au pôle Nord, allez, et une machine bateau sous-marin pour nettoyer les océans. Alors, plein d'imagination, je vous propose qu'on écoute ça. Quatre machines pour sauver le monde de Léa Boudreau. Thank you. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie des machines pour sauver le monde, Léa Boudreau. Restez avec nous, je suis de retour après un bref, très bref battement promo. Des Bamilek, des Barun, des Lakota, des Lumes, des Ashanti, des Ekoi, des Dan. Si, le grand docteur Salmanov revient en bon état. Vous écoutez La Croche-Oreille sur CKRL le 89.1. Vous écoutez CKRL. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Comme je le soulignais en début d'émission, ce soir, je vous propose des créations inspirées, des créations qui m'ont donné, du plaisir à la première écoute et que je souhaitais vous faire partager en cette dernière journée de l'année.

Laisse-moi sans divagation. Moi. Où longtemps je me suis tue devant, l'éloignement du passé s'écoulant, face au champ des possibles. De paille comme des brindilles devant l'inexorable, j'ai trop voulu encercler le réel, noyer l'incertitude de la somme infinie des multitudes. Hallucinée, je suffoque dans ma carcasse étroite. Les mots ne s'achèvent pas dans la souffrance mise à nu. Je me disperse en fulgurance, acquitté de mes gestes, de quoi sont faites les pensées. Étranges agrégats qui miroitent et se reflètent à la surface, devant l'incomplétude et l'univers vaste, face à la complexité du passé à l'avenir. Je demeure impassible et ma quête demeure vaine. cette convoitise pour tenter de saisir un jour plus loin au fur et à mesure. La distance plus lointaine, le silence inatteignable. L'impossible sombre dans la torpeur. Nous écartons de nos mouvements naturels. Un jour se tient le contact de nos mots pris de ses poings. Suspens mystérieux, léger, tremblant, le nom de moi en floraison. Nos rêves ensemble ne parlent à l'unisson. Serpenter, serpenter. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des créatrices sonores et musiciennes Andrea Jane Cornell, Delphine Dora et Marie-Douce Saint-Jacques. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres.